cocotte, collée, collée, carrément craquante. Compétition de charisme, elle se dresse. Un sale bruit strident qui crisse mes dents et dresse mon épine dorsale. Je ne rêve que je crève. C'est pas si faux, j'ai un bus métro, je suis où? La vie c'est urgent, laissez-moi tranquille. J'étais bien au Bahamas, je ne veux pas revenir. Dans la mélasse, un contrôleur passe et sans dire bonjour me fait face. Moi je réponds avec humour. Ticket, aboie-t-il. Non merci, j'en ai déjà fait. Peut-être un autre jour, la réalité me colle à la peau comme une putain d'énigme. Bégare à l'âme pour jouer un son qui t'étend. Et un peu de repos, un hamac, un sombrero, un pulco et du tempo. Laissez-moi vivre dans un monde onirique, mais dormir c'est mourir un peu la vie.